Première station. Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. N'arrêtons point nos pensées sur la trahison de Judas, les passions homicides des princes des prêtres, les clameurs furieuses de la multitude, l'indigne lâcheté de Pilate. Ce ne sont là que les ministres, les exécuteurs de la sentence. Mais l'autorité qui ordonne la mort de Jésus, c'est Dieu lui-même. Dieu condamne son propre Fils à la mort de la croix. Et pourquoi? Ah, c'est que le genre humain tout entier n'est plus qu'une masse de corruption. Le péché originel a infecté notre nature et, en l'infectant, il nous a rendus dignes de la colère du Très-Haut et d'un châtiment éternel, sans une satisfaction équivalente, dont l'homme est par lui-même incapable. La justice divine ne souffrira point qu'il échappe au supplice. Néanmoins, dans sa bonté infinie, Dieu veut venir à notre secours et nous sauver. Il envoie son propre Fils pour expier le péché, racheter le monde, relever notre nature, et le Verbe revêtu de notre humanité devra lui-même porter dans sa chair toute la malédiction qui pèse sur les enfants d'Adam et nous donner à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ô Jésus, c'est donc pour moi que vous êtes condamné à mourir. Je mérite la mort et c'est à ma place que vous aurez à subir le supplice le plus ignominieux et le plus cruel. Néanmoins, vous n'ouvrez pas même la bouche pour vous plaindre de la sentence ou de son exécution. Vous vous soumettez à être traité comme l'objet de la malédiction de Dieu et des hommes. Vous désirez d'un ardent désir d'être abreuvé d'outrage, rassasié d'opprobre. Vous voulez être comme un ver de terre et le rebut de l'humanité. Vous vous anéantissez pour moi, vous qui êtes le roi de gloire, le saint des saints. Et moi qui ai été conçu dans l'iniquité, moi par nature enfant de colère, j'oserais m'enorgueillir. Hélas, je ne puis me résoudre à me voir moi-même et à me juger tel que je suis en réalité. Je me complais en mes faiblesses, je veux à quelque prix que ce soit cacher mon abjection à tous les yeux. Mon orgueil se révolte et se blesse des critiques les mieux fondées, des censures les plus justes, des paroles de blâme les plus adoucies, des peines et des humiliations les mieux méritées. J'oublie mon origine et mon passé, je méconnais ma misère présente et tous mes défauts. Je ne veux pas comprendre que j'ai encore à craindre de devenir un réprouvé. J'ambitionne de m'élever au-dessus du prochain, j'aspire aux distinctions et aux honneurs. J'exige les égards et l'estime, je m'indigne du moindre manque de procédé. Je suis d'une susceptibilité extrême. Tel est mon orgueil, quoique je ne sache pas même si je suis digne d'amour ou de haine, quoique je sente combien mes sens sont loin d'être soumis à ma raison, et mon âme à Dieu. Ô mon divin maître, quand donc comprendrai-je ma bassesse, mon néant, l'état où m'a réduit le péché? Quand aurai-je le juste sentiment de mon indignité et de ma corruption? Quand consentirai-je à supporter, comme il est juste que je le fasse, les outrages, les dédains, l'oubli des créatures? Ô Verbe incarné, Dieu humilié jusqu'à l'anéantissement, abaissez en moi la hauteur de mes pensées, l'inflexible opiniâtreté de mes jugements, l'enflure de mon âme. Aidez-moi à combattre sans relâche mon orgueil, ma vanité, mon amour-propre. Apprenez-moi que vous êtes doux et humble de cœur. Puissé-je le devenir à votre exemple? Puissé-je vous adorer en vos humiliations et vous suivre avec courage dans la carrière de vos abaissements et de vos souffrances? Puissé-je, dans les peines qui me viennent de la part des créatures, envisager désormais non leur mauvais vouloir ou leur malice, mais la volonté toujours juste et miséricordieuse de mon Dieu. Dire le Notre Père, l'Ave Maria. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Les chantres, plongés dans l'amertume et la douleur, elle tremblait en voyant les peines de son divin Fils. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.